tous ceux qui ont deux enfants et donc 84 repas à préparer par semaine. Et à ceux qui pensent que les mois ne devraient faire que 25 jours, parce qu'on se passerait bien des fins de mois, non? En ce moment, Intermarché bloque le prix d'une sélection de fruits et légumes, comme le filet d'un kilo d'oignons jaunes Origine France à seulement 79 centimes. Soutenir votre pouvoir d'achat, c'est aussi ça être producteur et commerçant. Intermarché, tous unis contre la vie chère. Jusqu'au 28 février, calibre 50-70, catégorie 1, modalité sur intermarché.com. La conversation scientifique par Étienne Klein. Aujourd'hui, la tech est-elle en train de devenir doucement despotique? Bonjour à toutes et à tous, nous sommes en direct au Théâtre de la Ville à Paris, en direct mais sans public hélas, en compagnie tout de même et heureusement de mon invité que je vais vous présenter dans une minute, en compagnie également d'un camarade fidèle, Léon Bonafé, que je salue. La mission de Léon consiste, vous le savez, à déconfiner notre esprit à l'aide de ce qu'il appelle des trampolines poétiques. Et Combat, vous le savez aussi, c'est le nom donné à un cycle de 10 week-ends d'émissions de France Culture, de débats et de lectures, ici au Théâtre de la Ville, qui nous accueille si chaleureusement. Notre question du jour est donc celle-ci. La tech est-elle en train de devenir doucement despotique? L'informatisation du monde, l'arrivée du big data, l'intrusion généralisée des algorithmes, tout le monde en parle et pour cause. Couplée à l'intelligence artificielle, la révolution numérique en cours a d'ores et déjà un impact majeur sur les technologies, sur le travail de presque tout le monde, sur les relations interpersonnelles, les loisirs, les cerveaux, l'économie et même la politique. Mais qui est le véritable arbitre de toutes ces métamorphoses? Le pacte moral de la révolution précédente, celle qu'on qualifie d'industrielle, tenait en ce qu'elle promettait l'amélioration de la vie pour tous. Avec les puces et l'ensemble des produits nés de l'électronique, cette promesse tient-elle toujours? La révolution numérique aide-t-elle la démocratie ou bien dissout-elle notre socle commun? Pourrait-elle être le despote prévoyant et doux par lequel Tocqueville voyait disparaître la démocratie? Pour discuter de toutes ces questions, j'ai le plaisir de recevoir Philippe Delmas. Bonjour. Bonjour Étienne. Vous dirigez une société de conseil en stratégie industrielle. Vous avez été l'un des principaux dirigeants d'Astrium puis d'Airbus, après être passé par le Quai d'Orsay, où vous vous étiez intéressé justement aux questions de technologie. Vous êtes également alpiniste, mais ça n'a rien à voir. Et vous venez de publier, enfin vous avez publié il y a quelques mois, disons, un ouvrage intitulé « Un pouvoir implacable et doux, la tech ou l'efficacité pour seule valeur ». Alors je viens de rappeler que vous êtes alpiniste en précisant que ça n'avait rien à voir, mais quand même. Mais quand même. Mais quand même. J'aimerais savoir. Ils sont une. Voilà. J'aimerais savoir comment vous avez vécu l'exploit accompli il y a exactement 3 semaines par 10 alpinistes népalais emmenés par Nimal Purja, qui ont gravi ensemble le K2, qu'on appelle la montagne sans pitié, en hiver, ce qui n'avait jamais été accompli. Avec fascination et frustration. Fascination parce que nombre d'alpinistes, et parmi les plus grands des 40 dernières années, ont essayé, et personne n'avait jamais dépassé 7000 mètres sur cette montagne qui en fait 8006, donc il restait encore un bon bout de chemin à faire. Et avec frustration parce que on en a très très peu parlé. On a l'autre immense exploit sportif qui était en cours à ce moment-là, le Vendée Globe, était suivi jour après jour, heure après heure, partout, de cet extraordinaire exploit que représente l'ascension du K2 en hiver. Il n'a été presque rien dit, sauf aller sur quelques sites spécialisés. Et j'ai trouvé ça vraiment dommage, mais sans que j'en sois vraiment surpris. Mais ça veut dire que les alpinistes, beaucoup moins que les marins, se font reconnaître et savent faire partager ceux qui les emmènent. C'est probablement un monde qui est la très haute altitude, qui reste plus abstrait pour la plupart des gens que la voile, même si un bateau du Vendée Globe, c'est une Formule 1. Mais le fait que cet exploit a été accompli par des Népalais qui, dans beaucoup d'expéditions, étaient plutôt ceux qui portaient le ravitaillement, etc. Ouais, ça fait un moment, enfin, c'est comme une image qui date un peu, sans même... Il y a quand même qui ont parlé à propos de cette aventure d'une décolonisation de l'alpinisme. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette expression? Non, pas du tout. Pas du tout, parce que ça fait 15 à 20 ans que les Népalais, d'abord, se sont émancipés du rôle de porteur pour devenir des organisateurs véritablement d'expéditions, et dans tous les sens du terme, au sens d'être capable de gérer les approvisionnements, des logistiques, une gestion de camp de base qui suppose une vraie compétence technique. Avec le développement des expéditions commerciales, ils sont devenus le soutien technique en altitude indispensable à la sécurité des clients des expéditions commerciales. Et puis en parallèle, vous avez eu depuis déjà des années des grimpeurs alpins de haut niveau. Alors d'ailleurs, c'est une de mes ça a été un de mes bonheurs d'industriel inattendu. J'avais négocié avec le gouvernement des autorités tibétaines la vente d'avions d'Airbus contre la création, enfin le financement de la création d'une école de guides à Lhasa. Et il y a aujourd'hui à Lhasa le deuxième plus grand mur d'escalade d'Asie qui a été financé par Airbus, comme une bonne partie de comme une autre partie de l'école. Et de fait, à cette époque-là, en liaison avec l'école nationale de ski d'alpinisme de Chamonix, déjà, donc on est dans le début des années 2000, les Népalais et les Tibétains se formaient ensemble à être des guides autonomes. On va pas continuer sur l'alpinisme parce que on s'y sera embarqué pendant une heure. On va revenir au sujet qui est Philippe Dalmas, le sujet de la tech. Alors, tech, c'est une expression que je connaissais pas. C'est vous qui l'avez mise dans le titre de votre livre. C'est quoi la tech? Alors, la tech, c'est la nature de la tech, c'est tout simplement tout ce que l'électronique a permis de produire depuis l'apparition des puces, c'est-à-dire la fin des années 60, qu'il s'agisse de composants, les mémoires, les microprocesseurs, de machines qui font des calculs, les ordinateurs, mais aussi tout ce qui en est découlé, et tout ce qui est lié à la microélectronique, que ça soit la fibre optique, l'internet, le téléphone mobile et toutes leurs applications. Alors, on associe, donc c'est pour ça que vous parlez de révolution numérique, auquel on associe des expressions comme mise en réseau de l'information, cybersécurité, tracking, robotisation, surveillance, impact sur l'emploi, intelligence artificielle, souveraineté, géopolitique. Ça donne lieu évidemment à toutes sortes de commentaires, d'analyses. Certains crient au salut par la technologie, d'autres annoncent des catastrophes. Normal. Et vous êtes plutôt, vous citez à plusieurs reprises dans votre ouvrage George Steiner, hein, qui était encore vivant lorsque vous avez publié votre livre, mais qui est mort il y a exactement un an, le 3 février 2020. Et il écrit, enfin, vous le citez, page 103 de votre livre, et ça montre toute l'ambivalence justement de ce que vous appelez la tech. Il dit, voilà, notre époque est à la fois d'isolement et de grégarisme frénétique. De ce mélange naît la comédie et le désespoir de notre temps. C'est magnifique. C'est tellement beau. J'ai une immense admiration pour cet homme. Alors, il y a donc une ambivalence fondamentale de la tech, parce qu'on pourrait pas vivre, on ne pourrait pas vivre sans. On vivait bien sans, mais on vivait moins bien. Alors je ne fais pas du tout partie, pour critique que je sois de la tech souvent, des gens qui pensaient que c'était mieux avant. J'ai vu il y a pas très longtemps un film des années 60, et je pensais simplement à tous ces détails de la vie qui n'existaient pas dans les années 60, et qui nous rendent la vie si facile et si confortable. Prenez un smartphone, ce magnifique objet, essayez de vivre sans. Vous allez vous apercevoir que c'est très difficile. Il y a plein d'objets auxquels vous ne pensez plus, vous n'avez plus de réveil, vous n'avez plus d'annuaire, vous n'avez plus de carte routière, vous n'avez pratiquement plus de mémoire parce que tout est dans la machine. Donc, et par ailleurs, vous regardez la vie dans les pays en voie de développement, la gestion des vaccins, le fait que 80% des Africains accèdent à un mobile, pas qu'ils le possèdent, mais ils y accèdent, ça change la vie, à beaucoup d'égards. Que la monnaie électronique pour des petits montants, pour payer des factures, pour payer le marché, est un facteur de lutte contre la corruption dans les pays africains, dans les pays des îles du Sud. La tech a changé notre vie à beaucoup d'égards et bien souvent en mieux. Le problème, donc, il n'est pas ce que la tech nous nuise tant que ça. Le problème, c'est qu'elle transforme nos sociétés d'une façon qu'on n'a pas mesurée. Et donc, on y applique des questions ou des réponses qui ne sont plus du tout adaptés. Je vous cite un exemple dans ce que vous venez de dire, le débat sur l'emploi. Il n'y a pas de problème d'emploi lié à la tech. La tech crée des emplois globalement. Elle en crée plus qu'elle n'en détruit. Elle en détruit beaucoup. C'est la nature des emplois qui est en cause. Exactement. La vraie question, c'est la nature des emplois. C'est que la tech polarise les sociétés. En gros, elle donne une énorme prime aux gens qualifiés. Et elle déclasse les autres. C'est ça le vrai sujet. Mais ça n'est pas une question de nombre d'emplois. Est-ce qu'elle permet de maintenir la diversité des esprits ? qui est la caractéristique de l'Europe. Hein. Vous citez à nouveau Steiner, George Steiner, qui écrivait « Le génie de l'Europe, c'est ce que William Blake aurait appelé le caractère sacré du détail infime. C'est celui de la diversité linguistique, culturelle et sociale, d'une mosaïque prodigue qui fait souvent d'une distance négligeable une division entre deux mondes. En contraste avec l'effroyable monotonie qui sévit de l'ouest de New Jersey aux montagnes de Californie, la carte éclatée aux divisions souvent absurdes de l'esprit européen et de son héritage a été d'une inépuisable fertilité. » Est-ce que cette fertilité vous semble menacée, Philippe Delmas? Ça n'est pas la tech en soi, là non plus, qui la menace. Ce qui est lié à la tech dans cette menace, c'est quelque chose qui vous est très familier, Étienne, c'est l'appauvrissement de l'exigence de l'esprit. Pourquoi ça? Tout simplement parce que, en fait, dans nos sociétés, aujourd'hui, on a, de façon géophysique, deux plaques qui sont en train de se cogner et qui nous secouent énormément. Une plaque, c'est la tech, avec ses nouveaux outils, dont une des caractéristiques est qu'elle nous individualise. Le téléphone portable est un objet très intime, les réseaux sociaux offrent du sur-mesure à chacun, etc. De l'autre côté, et ça n'a rien à voir avec la tech, nos sociétés évoluent comme Tocqueville l'avait prévu, c'est-à-dire que Tocqueville disait, en 1850, il y a 150 ans, 170 maintenant, la nature de la démocratie, c'est l'individualisme. Ce qui est assez étonnant, il dit ça en 1850, au moment où se met en route la création de la démocratie sociale, de la représentativité collective, des syndicats, etc. Mais 170 ans plus tard, il a raison. Et lorsque ces deux se télescopent, vous avez l'individualisation qui devrait permettre plus d'écoute, justement de cultiver ce génie individuel que permet les outils de la tech, les réseaux sociaux par exemple, mais de l'autre côté, vous avez aussi cet individualisme d'isolement que l'on connaît aujourd'hui dans toutes les démocraties. Il y a très très peu d'exceptions dans nos pays développés. Et la rencontre des deux provoque effectivement un vrai risque d'appauvrissement des esprits. Pourquoi ? Parce que ceci vous encourage à vous rapprocher seulement de vos semblables. Le sens de la diversité, la richesse de la petite différence, la valeur du petit détail tendent à être oubliés. C'est ceux qui pensent comme vous. C'est ceux qui pensent pour vous comme dans vous et ceux auxquels vous êtes enclin par la nature des outils qui vous sont proposés, par leur organisation, sauf à faire un vrai effort, vous êtes enclin à ne parler qu'à des gens qui vous ressemblent ou qui paraissent vous ressembler. Mais sur des bases, vous vous apercevez de plus en plus étroites. Mais j'insiste, la tech là-dessus, elle a matérialisé au fond ce que Tocqueville redoutait. Tocqueville disait, la crainte qu'il voyait pour les démocraties, c'est que peu à peu, chacun se resserre dans son petit monde et laisse dans sa petite société. Et la petite société, pour lui, c'était la menace. C'était le moment où chacun, disait-il, se désintéresse des affaires de la grande société. Et c'est-à-dire, au fond, ne participe plus à la vie collective. Participer à la vie collective, ça veut dire se frotter avec des gens différents, qui voient le monde différemment, qui le sentent différemment, qui ont des priorités différentes, qui ont des expressions différentes. La tech vous rend possible de les croiser de moins en moins, et donc d'être de plus en plus agressé quand vous rencontrez la différence. Ça, c'est le risque. C'est-à-dire que la société se structurerait non pas entre classes sociales qui seraient en compétition politique, mais entre strates cognitives qui se superposent sans vraiment se croiser. Exactement. Et est-ce que ça, c'est une menace pour, disons, pour le contrat social qui pourrait se dissoudre, puisque chacun, en fait, avec son ordinateur ou même un téléphone, peut construire une sorte de chez-soi idéologique, de monde à lui, ne lui fait rencontrer que des biais de confirmation de ce qu'il pense déjà. Mais c'est au-delà de des problèmes de débat d'idées, c'est que il est très compliqué dans une société qui a ces tendances centrifuges de créer un sentiment d'appartenance, un sentiment collectif. Vous avez aujourd'hui une tendance qui est à la fois très belle intellectuellement et très dangereuse dans toutes les démocraties modernes, qui est de dire que la démocratie doit se fonder sur le sentiment d'appartenance. Pas sur l'histoire, elle peut être contestée, pas sur la religion, c'est très mal, pas sur les opinions politiques, elles sont facteurs de division, sur le sentiment d'appartenance. Sauf que c'est une notion extraordinairement abstraite, qui suppose des citoyens idéaux, et qui ait énormément de choses en commun. Vous savez, c'est Tocqueville qui disait qu'une nation, créer une nation, c'est se souvenir beaucoup en commun et avoir oublié beaucoup en commun. La tech vous éloigne, le mode de relation sociale que la tech vous encourage à avoir éloigne ça. Vous avez une psychologue américaine qui a eu la très très belle idée il y a 20 ans de créer un département de psychologie au sein du département de robotique du MIT. Elle voulait en fait, ce qui l'intéressait, c'était une clinicienne, elle soignait des gens, et elle voulait regarder ce que les robots faisaient aux gens qui travaillaient dessus. Et puis, elle est venue à s'intéresser aux réseaux sociaux, et elle s'est aperçue en fait que chez les adolescents en particulier, moment où le contact avec les autres est compliqué, un refuge permis par la distance du téléphone portable, et qui était quelque chose de, au fond, un facteur de confort, de sécurité et de très grande fragilité, parce que ça retardait le moment où la rencontre physique avec les autres a lieu, et le corollaire de ça, elle le voyait, c'était que les petits conflits d'adolescents dans les écoles devenaient beaucoup plus intenses, parce que tout d'un coup, la rencontre avec la personne physique devenait plus difficile. Donc dans nos sociétés, si on enlève l'histoire, si on enlève les cultures, si on enlève les mémoires, parce que tout ça, on y voit des facteurs de division, et si il ne reste pas grand-chose pour nous lier, sauf un extraordinaire effort de chacun d'aller vers tous. C'est précisément ça qu'on ne fait pas. C'est presque la rencontre physique qui limite la violence. Or, sur les réseaux, qui sont très violents, il n'y a pas cette limite physique qui permet de mettre un terme à l'escalade verbale, par exemple. Il y a de l'insulte qui sort immédiatement, alors que physiquement, quand il y a rencontre, c'est plus tempéré, me semble-t-il. C'est très souvent plus tempéré, et la plupart du temps, alors bien sûr, on a tous en tête des tas de contre-exemples, mais la plupart du temps, quand vous voyez les gens, la conversation de café qu'on évoquait avant le début de l'émission est un facteur de tempérance sociale où à la fois on s'engueule et en même temps ça crée un lien absolument énorme. Et pour moi, la question fondamentale de nos sociétés aujourd'hui, c'est pas le bien-être matériel ou les services que la tech nous rend, qui sont énormes, c'est pas l'emploi, la tech y pourvoit, on a des enjeux de qualification qui sont considérables, la question c'est le lien. Et c'est une des questions qui traverse d'ailleurs toute l'œuvre de Steiner. Et en vis-à-vis du lien, c'est la question du pouvoir, parce que le rôle du gouvernement, le rôle du chef dans le gouvernement, devient complètement différent aujourd'hui de ce qu'il était dans les sociétés traditionnelles. La crainte de Tocqueville que vous évoquez à plusieurs reprises dans le livre, c'était une sorte d'individualisation du contrat social. Et finalement, le numérique donne un moyen à cette pente naturelle des sociétés démocratiques. Alors, un des périls redoubtables, alors ça, c'en est vraiment effectivement, et alors qui vient de connaître une aggravation spectaculaire avec la crise sanitaire, c'est en effet l'individualisation du sous-jacent économique du contrat social. Qu'est-ce qu'a inventé la révolution industrielle ? D'abord, de la richesse à tire-larigot dans les années 1850, et puis on s'est aperçu quand même que si la richesse n'était pas partagée, ça n'a procédé d'aucune philanthropie, il y avait un vrai risque révolutionnaire. Et puis à l'époque, il y avait déjà des philosophies révolutionnaires avec le marxisme. Et donc on a peu à peu inventé un contrat social collectif. Et la base de ce contrat, c'est ce que vous rappeliez en commençant, c'est tout simplement l'idée que la richesse, au moins partiellement, était partagée, que la société prenait soin des siens et que chacun pouvait espérer mieux pour lui-même et pour ses enfants. La tech aujourd'hui est une économie de la performance. Et de la performance seulement. C'est d'où le sous-titre de mon livre. Une mesure de ça très simple mais qui est extrêmement violente, c'est que aujourd'hui, la performance individuelle des salariés ne compte pratiquement plus dans l'augmentation des salaires. Seul compte la performance moyenne de l'entreprise, c'est-à-dire ses gains de productivité, qui découlent eux-mêmes intégralement, pratiquement, de la tech. Et donc, qu'est-ce que fait la tech à l'échelle des sociétés entières ? Tout simplement, elle divise les entreprises, les salariés, les villes, les territoires et les pays en gagnants et perdants. Les perdants ne sont pas des gens qui meurent, ce sont des gens qui stagnent. Les gagnants sont des gens qui partent loin devant. Et ça, c'est d'autant plus violent que c'est strictement individualisé. Et ça a une conséquence dans nos sociétés qui est très dure, qu'on commence à percevoir dans les jeunes générations, c'est que, en même temps que cette évolution à la Tocqueville, qui nous individualise spontanément, eh bien, chacun se sent seul responsable de sa vie et se sent, au fond, abandonné et très fragilisé. Vous n'avez plus chez les jeunes générations le réflexe de se tourner vers l'État en attendant tout, c'est terminé. Qu'est-ce que l'attendent les jeunes générations de l'État ? Qu'il fasse bien son boulot, que l'école soit efficace, qu'il y ait des diplômes, qu'il y ait de la valeur, qu'il puisse trouver un job. Toutes les valeurs de société, en dehors de ça, comptent relativement peu. Et ça, c'est un effet profond de la tech, parce que vous avez une vraie individualisation de la performance économique et qui vous rend entièrement responsable du devenir de votre vie. Autrement dit, je termine là-dessus, vous aviez avec la révolution industrielle une forme de désindividualisation du monde. La société est devenue un collectif qui était globalement responsable. Il y avait des gagnants, des perdants, etc. Mais c'était un peu la logique de la classe. Tant avec des examens, il y avait des genres sus, par-sus, il y avait surtout beaucoup de moyennes. Aujourd'hui, la moyenne, c'est terminé. Il n'y a plus de classe moyenne, il n'y a plus de job moyen, il n'y a plus de diplôme moyen, il n'y a plus d'entreprise moyenne. On est rentré dans la logique du concours. Vous êtes reçu, vous n'êtes pas reçu, vous êtes dedans, vous êtes dehors. Et ça, c'est très, très violent. Léon Bonafé, je vous vois très attentif, mais est-ce que vous avez quelques trampolines poétiques à nous lire? J'en ai, alors je vais essayer d'être performant voilà, et en même temps de réconcilier tout le monde. Voilà, mais comme nous sommes dans une période de soldes, de rabais, je m'adapte, hein, puisqu'on est jusqu'à moins 100% de spectateurs dans les salles de spectacle, par exemple. Moi, je vous offre deux poèmes pour le prix d'un, deux poèmes essentiels d'une poétesse qui s'appelle Valérie Rouzeau, poétesse française contemporaine, qui est également traductrice d'autres poètes comme Sylvia Plath ou Ted Hughes, qui a été plusieurs fois récompensée pour son œuvre, avec notamment le prix Guillaume Apollinaire et le prix Robert Ganzo. Voilà, donc dans ses œuvres, il y a notamment Vrouze comme recueil, Va où, Éphéméride qui est la plus récente, son recueil le plus récent. Et moi, je vais vous lire deux poèmes extraits d'un recueil qui s'appelle Sens averse, édité à la Table ronde. On m'a encore googlisé, une gargouille au trombinoscope, du social roseau bien pensé, grenouille ascendant vers de terre, je trace comme un réseau de lignes entre lesquelles tu peux filer. Lecteur, ceci n'est pas une toile électronique ou d'araignée, juste un disin pour te saluer. Lecteur, qui est souvent lectrice. Deuxième poème. Le monde change tout le temps sans moi et je me rends inadaptable. N'ai pas de téléphone à table. Plutôt, je ne me rends pas du tout. Je souris, sans preuve sur selfie. Si nous cultivions l'amitié, qui sait ce qu'on récolterait ? On pourrait tenter notre chance, sortir et tendre notre main. Poignée de main, poignée de porte, à la tienne, à la sienne, je toque, à la mienne, toque copines et copains, dans la réalité rêvée. Merci Léon. Alors s'il y avait du monde, il y aurait des applaudissements, hein, c'est sûr. Hein. Philippe Delmas, une réaction peut-être ? Est-ce que vous lisez de la poésie d'abord ? Oui. Ah oui, j'ai quelques addictions fortes en matière de poésie, d'une nature assez différente, au premier rang desquelles Saint John Perse. Bah ça sert dans les tentes pendant les périodes de mauvais temps en montagne. Par exemple, c'est et pour le physicien que vous êtes, le discours de réception du prix Nobel de Saint John Perse, c'est quand même un des plus grands moments de culture que je connaisse. Mais j'aime beaucoup la phrase qui est tellement liée à ce que nous disions, le monde change sans moi. Mmh. C'est tellement fort et c'est un sentiment qui est tellement présent. Dans un monde où les fils d'infos de nos réseaux sociaux nous donnent l'impression de participer à tout, et en même temps, quelque part, nous sentons que ça n'est qu'une impression et que nous sommes en fait comme le passager du train qui regarde le paysage et qui n'est jamais dedans. Et on est dans les paysages qu'en marchant, comme nous savons. Alors revenons, Philippe Delmas, à cette révolution numérique qui est l'objet de votre livre. Vous dites qu'elle a trois qualités fondamentales qu'elle partage avec la révolution industrielle. La granularité, la mobilité et la profondeur. Kézako. Alors, la granularité, ça veut tout simplement dire qu'elle touche tous les aspects de la vie. Quand on a inventé en quelques décennies l'électricité, l'adduction d'eau, le gaz, la voiture et l'ensemble de l'industrie moderne, tous les aspects de la vie de tout le monde ont été touchés. Et aujourd'hui, c'est la même chose avec avec la tech. Il y a beaucoup d'emphase, mais dans la réalité quand même, dans quel que soit votre niveau social, votre activité, la tech est partout, dans tous les détails de votre vie. La mobilité, parce que dans un cas comme dans l'autre, une des plus grandes révolutions de la révolution industrielle, c'est la possibilité d'aller vite d'un point à un autre, que ce soit en train, en voiture ou en avion. La mobilité aujourd'hui a pris une autre forme, la possibilité de communiquer n'importe quand, de n'importe où, avec n'importe qui, est quelque chose qui transforme entièrement notre monde. Quand il se vend en moyenne chaque année 2 milliards d'objets qui communiquent, des tablettes, des PC, des téléphones. Et vous avez à peu près 70% de l'humanité qui utilise ces objets. Et vous voyez bien que 2 milliards d'objets qui communiquent vendus tous les années à 70% de l'humanité, c'est un monde qui a profondément, profondément changé. Et enfin, le dernier point, c'est quelque chose qui est extrêmement important et pour lequel les deux révolutions sont pas la même chose. La profondeur de la révolution industrielle, c'est que la totalité de notre monde physique a changé. Le fond des campagnes ont vu arriver des tranchées avec des canalisations d'eau, de gaz, des poteaux avec de l'électricité, du téléphone, des antennes de télévision. Bref, le monde a été maillé par la modernité. Vous la voyez. La tech, c'est très très différent. Vous ne la voyez pas. Vous n'avez aucune idée de sa trame. Ce sont des réseaux de machines dont vous ignorez complètement l'existence, qui gèrent des logiciels dont vous n'avez aucune idée, qui sont eux-mêmes contrôlés par d'autres logiciels. Et ce tissu-là organise au jour le jour toute notre vie. Et on ne se rend pas compte. Quand vous retenez un billet d'avion ou un billet de train, vous n'avez plus d'idée, mais simplement en mettant votre carte de crédit, un réseau de machines commence à valider qui vous êtes, si votre carte de crédit existe bien, si elle n'a pas été volée, si vous n'êtes pas signalé à la police, si vous avez le droit de voyager, et si vous êtes bien dans la bonne classe, et si vous avez des points à gagner, et s'il faut remplir l'avion comme ci, plutôt comme ça, et ainsi de suite. Tout ceci n'est géré que par des machines que vous ne voyez pas, dont vous n'avez aucune idée. Et une des plus grande puissance de la tech, pour moi, et un de ses plus grands mystères, c'est qu'elle disparaît complètement. On ne la voit pas. La révolution industrielle était imposante, elle était lourde, c'est la révolution du grand. Là, c'est la révolution du rien. La personne qui a bien compris ça, c'est Stanley Kubrick. Dans 2001, l'Odyssée de l'espace, le superordinateur HAL n'est jamais montré que par un œil de verre rouge. On ne voit rien d'autre. Et c'est exactement ça, la tech. Alors, moi, je connais rien à l'économie, mais j'ai quand même lu Schumpeter qui expliquait comment l'innovation permettait au capitalisme de se renouveler. L'innovation agit comme une destruction créatrice de valeur, et on attend d'elle qu'elle ruine les situations de rente afin que d'autres entrepreneurs puissent émerger. Oui. Or, vous dites que cette analyse ne vaut plus puisque on a l'impression que dans le domaine du numérique, les monopoles sont indéboulonnables. Est-ce que c'est vrai ça ? Est-ce qu'il n'y a pas des innovations ? Par exemple, la première société qui serait capable de mettre au point, disons, un ordinateur quantique vraiment performant, est-ce que elle ne mettrait pas en péril la suprématie des autres ? Les économistes savent depuis les années 40 que les innovations cumulatives tendent à produire des situations d'oligopole ou de monopole. Qu'est-ce qui fait la différence entre une innovation schumpeterienne et une innovation monopolistique ? C'est l'accumulation. Ce que Schumpeter dit, c'est si vous avez un concours d'innovateurs, alors, d'une part, ceci va bousculer les anciens métiers, et d'autre part, ensemble, ils vont tirer l'économie, créer des nouvelles richesses. Ceci fonctionne à deux conditions. En ce qui concerne le bien commun, c'est que cette richesse diffuse. Ça a été le cas de la révolution industrielle et jusqu'aux années 70. Il y a toujours eu des leaders et des suiveurs. L'enrichissement de nos sociétés était lié au fait que les leaders, peu à peu, parce qu'ils avaient des fournisseurs, parce qu'ils avaient des employés, parce qu'ils avaient des concurrents, enrichissaient l'ensemble du tissu économique. Ceci notamment parce qu'il fallait un certain temps pour développer des produits. Dans la tech, la situation est extrêmement différente. Vous avez des entreprises très innovantes, dont les cycles d'innovation sont courts, et qui sont donc capables, dans des délais relativement rapides, d'acquérir des positions à partir desquelles il est extrêmement difficile de leur faire concurrence. Et ceci n'est pas... Alors, quand on dit ça, on pense bien sûr aux habituels suspects du genre Google, Facebook et autres. Je vais y revenir après. Mais c'est vrai depuis le début de la tech. La première entreprise, 1969, l'homme va sur la Lune, sans microélectronique, ça n'existait pas. En juillet 69, en septembre 69, la première mémoire puce sort. En octobre 69, la première puce de calcul, le premier microprocesseur sort. Une société qui s'appelle Intel. 1969. En 2020, cette même société a encore la moitié du marché mondial des microprocesseurs. Vous avez la même chose pour les disques durs et pour un certain nombre des technologies de base de la tech. Et bien sûr, vous avez ça aussi pour Google et compagnie. Pourquoi ? Tout simplement parce que la qualité de la tech est que elle a un dynamisme qui fait que les leaders sont capables de consolider très vite leurs innovations avec des marges extrêmement élevées. Et donc, ils ont une capacité non seulement à financer leur recherche, ça c'est classique, c'est schumpeterien, mais ils ont aussi une capacité à laquelle Schumpeter ne pensait pas, d'empêcher l'apparition de concurrents. Les grandes entreprises de la tech dont on parle aujourd'hui, Google, Apple, Facebook, achètent en moyenne, depuis 10 ans, chacune, une start-up tous les mois. Tous les mois. Donc les vainqueurs prennent tout. Et vous dites même que Apple pourrait acheter la société Total en cash. Oui. Oui. Apple a aujourd'hui, là, à l'instant où nous parlons, 140 milliards d'euros de cash placés. C'est plus que la valeur de Total en bourse aujourd'hui. Alors venons-en, Philippe Dalmas, à la question des emplois. Les disquaires ont disparu. Que vont devenir les conducteurs de métro, les caissières, les caissiers et d'autres métiers de ce type qui sont concurrencés par des machines, par les machines? Alors vous dites qu'il y a une sorte de course contre la machine, en fait. J'y crois pas vraiment. Alors, vous l'avez écrit pourtant. Pour critique que je sois, non, c'est propos d'un économiste américain qui voyait effectivement une espèce de menace permanente de suppression de l'emploi. Je ne crois pas aux suppressions d'emploi. Alors simplement, vous regardez les études économiques qui sont faites. Un emploi dans la tech, en moyenne, ça crée entre 2 et 5 emplois selon les pays. En France, c'est 2,4. Vous avez une étude de McKinsey récente de 2017 là-dessus. Donc la question, c'est pas tellement ça. La question, c'est la nature de ces emplois et la répartition de ces emplois. La nature, ce que vous constatez, c'est que les emplois qui disparaissent, et la quasi-totalité des emplois qui disparaissent, sont les emplois des classes moyennes. Pas de chance, les classes moyennes, c'est le socle de nos sociétés. Les emplois de jardiniers, d'ouvriers du bâtiment, ils disparaissent pas. Les emplois d'ouvriers de l'automobile, ils disparaissent, parce que automatiser la pose de parpaing, c'est vachement difficile. Automatiser la peinture d'une voiture, c'est pas très difficile. Et donc là, vous avez un premier sujet qui est que, effectivement, vous avez une masse très importante de l'emploi, mais qui ont à peu près tous le même profil et le même statut social, si je puis dire, dans l'échelle des revenus, qui disparaissent. Ça, c'est le premier gros problème. Second gros problème que vous avez, c'est que territorialement, la tech est très concentrée. La tech est une dynamique d'agglomération. Prenez un exemple simple. En France, entre 2008 et 2015, le nombre d'emplois en Île-de-France a cru de 20%. Dans les quatre régions du quart nord-est de la France, il a baissé de 10%. Vous avez quatre fois plus d'emplois créés par la tech en Île-de-France que dans ces quatre régions. Et le revenu moyen de ces emplois est moitié plus élevé. Et le problème, c'est que dans tous les pays, alors moi j'ai regardé ça m'a fasciné, quelle que soit l'organisation territoriale, vous prenez le Royaume-Uni, l'Allemagne, les États-Unis, la France, sont des pays dont l'organisation territoire est très différente. Partout, vous avez ce même phénomène, qui est que la tech se concentre dans les grandes agglomérations, les dynamise à fond et les enrichit, y compris dans les emplois dont on redoute la perte. Un emploi de la tech, ça crée 5 emplois en moyenne de services de proximité. Le coiffeur, le café, le restaurant, l'hôtel, le cinéma. Ils sont des jobs dans la même ville. Donc ça fait vivre tout un tissu social. Et l'absence de ces emplois, accompagnée de la déperdition des industries traditionnelles, eh ben ça appauvrit Limoges et Châteauroux. Et vous avez ça partout. Alors, dernier exemple qui m'a vachement frappé, aux États-Unis, entre 1950 et 1985, le revenu moyen dans les villes moyennes a rattrapé celui des grandes agglomérations. La tech arrive, elle ne se développe que dans les agglomérations. Et l'écart de revenus moyen entre les villes moyennes et les grandes agglomérations est revenu à celui des années 60. C'est très spectaculaire. Oui, vous écrivez, la révolution numérique n'a pas accéléré ce mouvement, donc des qualifications. D'une part, elle change la nature et pas seulement le contenu des qualifications requises. D'autre part, elle accroît le niveau souhaité. Le besoin de qualification est une course contre la machine. On retrouve l'expression. Mais vous dites aussi, la tech met en cause la capacité même des pays à se développer. Mais est-ce qu'on pourrait pas défendre l'idée contraire, que grâce à elle, des pays qui n'auraient pas cette technologie seraient beaucoup plus menacés, pour ce qui est de leur niveau, qu'en la maîtrisant? Le problème, c'est qu'ils ne la maîtrisent pas. Le problème, c'est qu'ils ne la maîtrisent pas. Le point vraiment fondamental, c'est que le revenu par habitant des pays en développement a arrêté de rattraper celui des pays riches. Il y avait une convergence qui n'est déjà pas très rapide, mais il y a eu une convergence jusqu'à ce que la tech arrive, c'est-à-dire en gros jusqu'aux années 80. Ça, c'est une histoire qui mérite d'être racontée rapidement parce que c'est fascinant sur qu'est la transformation du monde par la technologie. La révolution industrielle arrive. On invente la sidérurgie, le bateau à vapeur, tout ce que vous voulez, les filatures automatisées en Angleterre, en Europe. Bref, tout ça met en moyenne entre 50 et 100 ans, pour se diffuser en Amérique latine, en Asie, encore merci la colonisation où les Anglais ont pu installer des filatures, etc., etc., entre 50 et 100 ans. Et quand vous regardez, vous expliquez 90% de l'écart de richesse en 1950 entre les pays en voie de développement et les pays industriels à cause de ce décalage, parce qu'il a fallu ces 50 ou ces 100 ans. Bon, et ça, vous pouvez le comprendre. La tech arrive. Alors la tech, c'est un truc formidable, ça se développe très très vite. Entre le moment où les premiers ordinateurs portables se sont développés aux États-Unis en 1982 et le moment où ils sont généralisés en Asie du Sud, il y a eu 15 ans. Sur Internet, il y a eu 7 ans. Les technologies de la tech se diffusent de plus en plus vite. Vous dites formidable, le monde va enfin pouvoir s'homogénéiser, puisque c'était le problème de l'histoire d'avant. Sauf que ça marche pas comme ça. La différence, c'est que lorsque... À l'époque de la révolution industrielle, le bateau à vapeur, la filature, la sidérurgie arrivaient dans un pays développé. Ce pays arrivait à se doter d'une infrastructure industrielle à son échelle comparable à celui du pays européen. Aujourd'hui, la différence, c'est que vous avez une transmission qui va beaucoup plus vite dans la tech, mais la tech pénètre en réalité très lentement à l'intérieur des pays. Or, la tech, comme on l'évoquait tout à l'heure, c'est un tissu. C'est comme, pour prendre une image très simple, c'est comme le développement d'un réseau ferré. Si vous avez que deux gares, vous avez peut-être un train, mais c'est pas ça qui va vous développer. La tech, c'est une industrie de réseau, et donc tant qu'elle n'est pas généralisée dans le tissu économique, elle ne produit pas grand-chose. Vous prenez un exemple qui est une des plus belles réussites de modernisation d'un petit tissu économique, le Kenya. Au Kenya, 70% des entreprises sont sur le net, ont un début de gestion informatisée des stocks, y compris dans des magasins de primeurs. C'est vraiment tout à fait remarquable. Et vous avez 70% des paiements au marché qui sont faits par la monnaie électronique, donc beaucoup plus que dans le pays. Vous dites super. Conséquence sur la croissance du Kenya, quasi nulle. Vous avez en Inde un pays qui a créé 2 millions d'emplois dans les industries de la tech. Conséquence sur la croissance du pays, quasiment nulle. Pourquoi ? Parce que dans le cas du Kenya, c'est des réussites isolées, mais c'est pas un tissu économique qui s'est transformé, à notre différence. Dans le cas de l'Inde, vous avez ce qu'on évoquait tout à l'heure, des groupes entiers d'entreprises qui se sont installés dans des grandes villes. Vous allez à Bangalore, vous allez dans la partie nord-ouest de Delhi, vous êtes dans une ville moderne et qui est en réalité complètement coupée de son pays, qui n'irrigue pas le pays. Elle est beaucoup plus intégrée à l'économie moderne, mondiale, qu'au restant de l'Inde ou qu'au restant du Kenya. Et ça, c'est le problème. C'est qu'aujourd'hui, la tech divise les pays à l'intérieur entre gagnants et perdants. Les gagnants rejoignent les gagnants des autres pays, les perdants restent chez eux. Mais ça veut dire qu'il y a une sorte de modernisation de la misère ? Il y a exactement une modernisation de la misère, avec une mesure très simple, c'est que en 2015, entre 1980 et 2015, les chances d'un pays pauvre de rester pauvre ont doublé. Les chances d'un pays moyen de ne pas devenir riche ont doublé. C'est-à-dire, et c'est une étude de la Banque mondiale, ça veut dire simplement, effectivement, alors ces pays continuent à se développer, mais ils se développent beaucoup moins vite, et nous creusons l'écart. Nous, pays riches, nous creusons l'écart. Et parce que nous intégrons la tech, nous en profondeur, nous la diffusons dans toute notre économie, avec des inégalités, des performances, comme on l'évoquait précédemment, très inégales, mais nos pays se transforment en profondeur. Regardez l'énorme effort que représente un plan de fibrage comme celui de la fibre optique dans toute la France. C'est monumental comme effort. Mais sur 20 ans, ça va transformer le pays. Autant que l'électricité l'a fait il y a un siècle. Aucun pays en voie de développement ne peut s'offrir ça. Et ceci va continuer à creuser l'écart entre eux. Bon, Philippe Delmas, ce sont quand même des très mauvaises nouvelles, tout ça. Et donc, il faut que Léon Bonafé nous trouve un trampoline poétique extrêmement efficace. Ah oui, vous me mettez une pression, là. Mais, du bonheur. Donnez-nous du bonheur. Non, mais si j'entends bien, l'important, c'est quand même de s'adapter très vite. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais immédiatement retourner ma veste invisible, puisque maintenant, je vais vous faire un poème pour le prix de deux. Voilà, assez perdu de temps. Et puis, là, c'est quand même un poète. Bon, c'est un théâtre, c'est pas une braderie. C'est pas faux. Non, mais en plus, je triche pas vraiment, parce que c'est un poète. Il met tellement de mots dans ses poèmes. Il met même plusieurs mots par mot, parfois, que ça vaut le coup, vraiment. Il s'agit de Jean-Pierre Verhaeghen, chez qui je vais piocher souvent, qui est un poète belge assez formidable, qui a publié notamment des recueils comme « On n'est pas sérieux quand on a 117 ans »,« Un jour je serai prix Nobel », « L'oral et hardi », voilà, et d'autres. Et ici, on va parler de Cyber dans un poème extrait de « Sodome et grammaire », publié chez Gallimard. « GSM, toi non plus, SMS, moi non moins. » Cyber, cyber, rien que cyber, tout pour cyber, tout par cyber. Même plus le temps d'avoir un seul instant la tête en l'air. Au pied d'Alembert, couché d'Hydro, voici l'encyclo nouveau du savoir planétaire standardisé. Après Astérisk et sa vieille clique, SIC, voici Arrobase et sa nouvelle pointe BIC. Place à la cyber-nouveauté, même si son nom fait penser à celui du bon vieux Cabot des Enfers, le caniche à carons, le nocher des ténèbres. La bête a trois têtes, l'une tournée vers l'écran de sa télé, l'autre vissée à son PC et la dernière l'oreille collée à son cellulaire. Cyber et SMS, son alter accro, cet autre mini-cerbère qui ne cesse de clabauder tantôt contre notre syntaxe et ses vieilles charnières surnuméraires, tantôt contre notre orthographe démodée, inadaptée, périmée, trop compliquée, trop de lettres en effet, trop de temps gaspillé, trop d'inutilité, à jeter aux oubliettes désormais, à mettre aux encombrants aussi secs. Au bac donc, au panier, à la balayette, sinon à la ramasse, lauréat et agrégé S matière universitaire fin de siècle. Le siècle, que dis-je, l'air, a un urgent besoin de vous remplacer par des abrégés de grammaire. Place au rapide et à l'efficace. Place au compressé allographe et au vocabulaire à la spartiate. Stabat maigrer, c'est la nouvelle prière. De la maigreur avant toute chose, chère rombière. Tiens-toi debout dans la minceur, chère bobonne usagère. T'es usée jusqu'à la sous-ventrière, l'heure est à l'anorexie langagière. Ne disons plus finesse et inventivité, répondons vitesse, fitness et farniente sous la langue à bronzer. Ayons l'air d'être éternellement en vacances épistolaires, tout en étant vachement en avance sur le calendrier. Ne prenons pas de retard en écrivant « à plus tard ». Quand nous prenons congé, écrivons « à plus », comme en algèbre pressée, voire « à plus plus », quand notre désir de nous revoir est encore plus plus rapproché. Écrivons en chiffres et en lettres mêlées, en icônes, en émoticônes, en iclones infiniment répétées. Écrivons en raboté, en ravalé, en coupé-coupé, qu'est-ce que je sais ? En rapetissé, en raccourci tronqué, en rata militaire de ratatouille rudimentaire pour mieux nous exprimer. Oui, raccourcissons, faisons toujours plus court, y compris pour nos lettres d'amour, simplifions, réduisons, soudons, oral écrivons, phonétisons. On n'est pas contre le progrès technologique, c'est clair, ni contre Sodome et grammaire. Au contraire, on l'a suffisamment montré et répété. À dire vrai, la moutarde ne nous monte même pas au nez quand on vous entend déclarer qu'il n'y a qu'email qui maille, comme dans la publicité. On est simplement contre le squelettique et la rhétorique du yaka yakapa, qui, à l'aide d'un petit clic ou d'un petit doigt sur la couture de ce type d'écriture minimaliste, peuvent, dans un proche avenir, nous faire passer de cette pensée binaire, tout ce qu'il y a de plus élémentaire, à la pensée unique des dictatures soft informatiques. Le reste, on s'en contrefiche. Sauf que, soft pour soft, c'est soft qu'il peut, qu'il nous faudra un jour peut-être, trop tard sans doute, hurler, voire vociférer, en anglichien, en amérindien, ou en tutti quantichien de langue monosyllabique. France Culture, la conversation scientifique, Étienne Klein. Philippe Delmas, une réaction admirative et enthousiaste. C'est absolument magnifique. C'est magnifiquement déclamé, parce que vraiment, c'est pas récité, c'est déclamé. Et c'est tellement bien vu. Et c'est exactement l'écho de la citation steinière que vous citiez tout à l'heure. Est-ce que vous êtes d'accord pour dire que l'heure est à l'anorexie langagière? Ah, c'est superbe. C'est Jean-Pierre Verhaeghen. Est-ce que l'heure est à l'anorexie langagière, vraiment? Est-ce qu'il y a une perte du langage? Est-ce qu'on réagit plus qu'on ne réfléchit? En fait, je suis pas aussi pessimiste que ça. Comme vous le voyez à travers mes différents commentaires, j'ai une vraie préoccupation sur le fait qu'on... Je ne suis pas sûr qu'on voit assez vite les vrais problèmes. Je me réconforte en me disant qu'au moment de la révolution industrielle, il a fallu 50 ans au gouvernement pour comprendre que le monde avait changé à un point tel qu'il fallait que la société change et les institutions changent. Et il y a une chose que je trouve formidable quand même, c'est que les humains sont beaucoup plus rapides, beaucoup plus fins que leur collectivité. Moi, je vois aujourd'hui un intérêt... Alors, qui a plein de déclinaisons ridicules et excessives, mais un intérêt, toujours au sens Steiner, pour la différence, pour le temps long, pour les lenteurs choisies, qui est quelque chose d'extrêmement sain. Je vois l'évolution en 15 ans du rapport des adolescents d'une génération à l'autre à leur machine, c'est absolument, absolument spectaculaire. C'est la psychologue que j'évoquais tout à l'heure raconte un témoignage d'adolescent que je trouve absolument magnifique. Donc elle interroge des adolescents sur leur rapport avec les machines, les machines de leurs copains, et lui dit, vous savez, moi je ne supporte plus, quand je suis dans une conversation avec des copains, de les voir tout d'un coup sortir leur téléphone, répondre rapidement, j'ai l'impression d'être mis sur pause. Et elle lui dit, mais alors, au fond, quand même, bon, on peut pas toujours voir les gens non plus, vous, votre conversation, et le garçon lui dit, oh, vous savez, il y a un truc... Moi, un truc dont je rêve, c'est une conversation sur un téléphone fixe. Ça, c'est vraiment génial. C'est vraiment le truc. Vous vous rendez compte, les gens sont là pour vous. Ils n'ont rien d'autre à faire qu'à vous parler. C'est extraordinaire. Vous êtes bien à la conversation scientifique. Un garçon de 16 ans. Alors, vous citez Albert Camus, Philippe Delmas, qui avait quand même pressenti tout ça lorsqu'il écrit « Faute de valeurs supérieures qui orientent l'action », on se dirigera dans le sens de l'efficacité immédiate. Rien n'étant vrai ni faux, bon ou mauvais, la règle sera de se montrer le plus efficace. C'est exactement votre propos. Exactement. Et aujourd'hui, vous êtes dans les mêmes canaux de communication circulent des connaissances scientifiques ou autres, des croyances, des opinions, des commentaires, des bobards, des fake news, et les statuts respectifs de ces différentes choses, qui sont très différents, en fait, se contaminent, parce qu'ils circulent ensemble. Oui. Et donc, est-ce que vous êtes inquiet de voir que la différence entre connaissance et croyance, par exemple, n'est pas toujours très nette? Et que les vérités scientifiques, si on peut les appeler comme ça, qui sont simplement les bonnes façons de répondre à des questions bien posées dans le champ de la science, sont contestées parce qu'on les a, on leur a demandé de se ranger sous la coupe de l'opinion. Par exemple. Je vous trouve d'ailleurs, si je puis me permettre, presque modéré sur ce sujet. Je serais beaucoup plus radical que vous. Ça dépend des jours. Je trouve que la complexité même du fait scientifique, l'exigence que représente d'aboutir à une conclusion scientifiquement validée, comme vous le disiez très très bien dans votre tract sur l'intensité du travail collectif, et c'est vraiment ce collectif qui crée la conviction de la vérité, est quelque chose de tellement important que personnellement, je suis très choqué qu'on ne commence pas à réguler sur les réseaux sociaux et à interdire l'affichage de contre-vérités scientifiques manifestes. Il y a suffisamment de débats scientifiques ouverts pour que lorsqu'ils sont raisonnablement clos, on ne les rouvre pas de façon artificielle. On ne peut pas dire que la Terre est plate, quoi qu'en dise une professeure de la Sorbonne. Si, on peut le dire. Que vous avez eu la bonté. Oui, mais on ne peut pas le mettre en circulation. On ne peut pas le mettre en circulation. Il y a un moment, faut arrêter les conneries. La Terre n'est pas plate, point final. Oui, mais je vais me faire l'avocat du diable. Est-ce qu'on ne peut pas mettre au crédit d'une erreur scientifique la sincérité avec laquelle elle est défendue? Zéro. Une erreur, c'est une erreur. La vérité n'est pas une opinion. Vous ne pourrez jamais enseigner aux États-Unis. Je m'en passerai extrêmement bien. Et je suis désolé, mais si la vérité scientifique devient une opinion, il n'y a plus de vérité du tout. La science est, de ce point de vue-là, un des garants que nous avons. C'est la qualité de ces débats et c'est l'intégrité de ces débats qui sont la garantie de nos connaissances et d'ailleurs des progrès dont on bénéficie par ailleurs. Parce que tous ces gens qui prétendent réfuter ou douter de toutes ces sciences en profitent avec abondance à chaque seconde, y compris pour le dire. Donc je pense que là-dessus, il y a une vraie, une exigence vraiment fondamentale pour moi. Et sur laquelle nous manquons de discipline. Mais ça fait partie de tous ces sujets où je pense que le mode de gouvernement de nos sociétés est aujourd'hui remis en question, se remet en question avec beaucoup de lenteur. On a évoqué les questions d'emploi. Je voudrais revenir une seconde sur ce que vous disiez tout à l'heure. Oui, nous allons, la tech, laisser à elle-même, créer des monopoles spontanément. Très bien. Nous avons largement les moyens, dans nos panoplies de législation, d'outils économiques, d'empêcher que ceci se produise. Je vous donne un exemple tout simple. L'impact de la tech sur le climat social des employés, des salariés aux États-Unis et au Danemark. Aux États-Unis, August Denton, prix Nobel d'économie il y a 3 ans, a fait une étude qui montre que 10% des dépenses de santé, c'est-à-dire 1 point du PNB des États-Unis, sont consacrées à soigner, ou plutôt à mettre sous médoc, les gens qui perdent leur job du point de vue de la tech, sans espoir de se retrouver ailleurs. Donc vous avez ce sentiment de déclassement ultra-violent. C'est pas simplement que vous perdez votre emploi, c'est que la société vous déclare inutile. Le taux de perte d'emploi lié à la tech est le même au Danemark qu'aux États-Unis. Il n'y a pratiquement aucun effet psychiatrique, psychologique, collectif au Danemark. Pourquoi ? Parce que la société danoise a inventé un système de préparation, d'accompagnement et d'évolution de l'emploi qui n'existe pas aux États-Unis. On a tous les outils qu'il faut pour que la tech ne nous dévaste pas et puisse faire son chemin, créer plus de concurrence, mais par ailleurs aussi transformer les sociétés en douceur. Ça, pour moi, c'est une des grandes missions de nos gouvernements. Ça sera un des grands liens sociaux, on le voit dans les pays scandinaves, une des vraies renaissances du sens d'être ensemble, que ce progrès ne sera plus une menace qui nous individualise. Encore faut-il que nos gouvernements en prennent la mesure, on n'y est pas encore. C'est un message d'espoir. Léon, vous avez certainement un trampoline. Un petit trampoline, espoir, j'espère. En tout cas, comme on n'arrête pas le progrès, et ben maintenant non seulement on aura 2 poèmes pour le prix d'un, mais on aura même 2 poètes pour le prix d'un. Avec d'abord Alain Bosquet, qui est un poète français d'origine russe, qui est mort en 98, qui a une œuvre assez colossale, qui a fait beaucoup de choses, qui a été journaliste, essayiste, critique littéraire, traducteur, romancier, et donc poète. Il a aussi accessoirement participé au débarquement de Normandie. Enfin, c'est quelqu'un qui a quand même été assez occupé et productif dans sa vie et qui ici nous offre le portrait d'un consommateur. C'est dans le recueil « Sonner pour une fin de siècle » chez Gallimard. Portrait d'un consommateur. Pour lui, être vivant, c'est d'abord consommer, qu'on le désire ou non. Le cœur est un service et l'âme un emballage. Il les vend, les achète ou les troque parfois pour d'autres fournitures. Un ouvrier vaut 100 fois moins qu'une machine, déclare-t-il en construisant un hôpital où le peuple pourra guérir toute pensée puisqu'elle constitue, c'est un malheur fréquent, sa pire maladie. Battre la concurrence en assurant à chaque travailleur la joie dans la sécurité, au besoin par la force, n'est-ce pas méritoire ? Un cerveau bien réglé rapporte plus d'argent qu'un stock de marchandises. Il ouvre à sa conscience une ou deux succursales. Puis, je vais enchaîner avec un poème d'un certain Jacques Prévert, petit poète du début du XXe siècle, également scénariste, rêveur, dresseur d'oiseaux. Enfin, il a fait vraiment beaucoup de choses, Jacques Prévert. Et ici, il nous dit malheureusement « Ne rêvez pas ». C'est sous-titré « L'ordinateur ». Ne rêvez pas. Pointez, grattez, vaquez, marnez, bossez, trimez. Ne rêvez pas. L'électronique rêvera pour vous. Ne lisez pas. L'électrolyseur lira pour vous. Ne faites pas l'amour. L'électrocoïtal le fera pour vous. Pointez, grattez, vaquez, marnez, bossez, trimez. Ne vous reposez pas. Le travail repose sur vous. Merci Léon. Un cerveau bien formé rapporte plus qu'un stock de marchandises, dit le poète, et avec combien de raisons. Je reviens à ce que vous disiez, Étienne, parce que pour moi, c'est probablement la guerre la plus grande que nous ayons à mener aujourd'hui. Si je devais identifier une menace de l'attaque pour moi, c'est le fait que sa puissance, son efficacité, fait que peu à peu, nous risquons de préférer la donnée et le calcul au jugement. Le jugement n'est pas remplaçable, le jugement n'est pas révocable. Et le plus grand enjeu, je trouve, de nos sociétés aujourd'hui, et c'est au professeur que je dis cela, c'est la façon dont nous allons former l'esprit de nos jeunes. J'avais un peu aidé Georges Charpak lorsqu'il a lancé son projet de la main à la pâte. C'était quoi la main à la pâte ? C'était tout simple. C'était dans le primaire d'apprendre à des élèves des expériences de physique tout à fait élémentaires. Et en leur disant, voilà, les livres vous racontent que vous lâchez une pomme, elle tombe. Votre professeur vous raconte que vous lâchez une pomme, elle tombe. Très bien. Ne les croyez pas. Vérifiez-le. Et il disait, il est essentiel de séparer le savoir et le croire. C'est la vérité, le débat que nous commencions à esquisser sur la vérité tout à l'heure, il est là. C'est que nous devons absolument apprendre à préserver le jugement de l'esprit, indépendamment de la donnée, de la machine, indépendamment de l'enseignement, de l'autorité. La liberté et l'exigence de l'esprit sont nos seules, mais nos très puissantes garanties contre l'évolution de la tech, quelle qu'elle soit. J'applaudis à ce que vous dites, Philippe Lelmaz, mais vous ajoutez à la fin de votre livre qu'il y a aussi une exigence pour nos dirigeants, qui est de redevenir, comme vous l'aviez déjà souhaité il y a 15 ans, redevenir, même 25 ans, excusez-moi, maître des horloges. C'est-à-dire de reprendre la main sur le rythme des marchés. Alors, on n'a pas le temps de développer, mais j'invite les auditeurs à lire votre livre. À vrai dire, j'ai cherché une anagramme pour les révolutions numériques. Je n'ai rien trouvé, mais Olivier Garcia m'en a envoyé une qui est, je pense, intéressante pour vous. Les révolutions numériques ont pour anagramme « Ornière qui vous muselle ». Oh. Ah, magnifique. Est-ce que ça vous inspire? En tout cas, je vous laisse réfléchir là-dessus. C'était un plaisir de vous recevoir, Philippe Delmas. Étienne, merci infiniment. Je recommande la lecture de votre livre Un pouvoir implacable et doux, avec comme sous-titre, et vous avez expliqué pourquoi, la tech ou l'efficacité pour seule valeur. Merci à Léon. C'était la conversation scientifique par Étienne Klein, avec la collaboration de Thierry Beauchamp. Je tiens à remercier tout particulièrement Stéphane Foulon qui était au son, et puis toute l'équipe de Voïtech Noiret qui nous reçoit ici au Théâtre de la Ville. Et je remercie également, évidemment, notre réalisatrice Delphine Lemaire. Tout de suite, vous retrouvez Olivia Gesbert pour En français dans le texte.